dédié de musique secondaire pour le chien. Un spécial de l'été. Un petit peu de Ouvre lá, ó. E as na pé. O Z. Musicien, pour un crayon m'a écrit, c'est ça qui m'a fait chanter, oui.